c'est du flouze. Flouze. Flouze. Okay. C'est du flouze. Je remonte à la surface, intéresse et pis sous terre. Merci à toi Xanax et ton coup de pelle. Comme souvent troublé dans mon sommeil, y'a pas que la pénurie de la veille dans ma cervelle. Reine claire, yen net, décodeur et HS. Je laisse parler le flair, y'a du positif dans l'oreille. Je suis de retour pour une bonne écoute. Y'en a pas pour tous les goûts, c'est du rap un point c'est tout. Je m'entoure de mort la fin à la vautour. Je compte comme tu le fais autour du pot en interview. Quand je retire la cagoule, je ramène la foule du New Camp. Tu connais le combat, c'est chacun pour sa gueule. Moi RAP un coup de sabre à lui seul. Lâche ta sécurité, j'apparais dans aucun fichier. Je reste un mystère comme la faucheuse. 3-0-6-2, regarde, que du bonheur. On est paré, paré, ego trip, carré pour les tarés, tarés du gros style. Cramé, jamais fané, fané des gros titres. Sagé, c'est du gros, c'est du lourd, c'est du bon, donc c'est du flouze. On est paré, paré, ego trip, carré pour les tarés, tarés du gros style. Cramé, jamais fané, fané des gros titres. Sagé, c'est du gros, c'est du lourd, c'est du bon, donc c'est du flouze. Concentration ultime, mon feu débarque et vaut mutile. La violence n'a rien d'utile, l'égo sans technique, c'est futile. C'est la famille, y'a pas de gamine. Quand le train démarre, ça décapite à la baramine. Le rap nous anime, my man, préviens mes acolytes. Ça n'a rien d'une parodie, en fait pas d'MC de parcotis. C'est pour les putes en parisien. Pour mes potos qui résistent, les critères sont stricts. On est les produits sans street. Nos collabos sont là, là, la clique à DRTK. Parlez pas bête, blabla, bla, ou ça fera ratatatata. J'arrive, viens des parfums de la matrice. J'tiens les paris, paris, j'décapite les amatrices. Avis à tous les amateurs, avancez-vous vers l'abattoir. On nique les arnaqueurs et toutes les petites putes de vantard. J'viens de la estime, me teste pas si pour toi j'ai de l'estime. J't'explique, rends pas les coups, la violence je l'excite. On est paré, paré, ego trip, carré pour les tarés, tarés du gros style. Cramé, jamais fané, fané des gros titres. Sagé, c'est du gros, c'est du lourd, c'est du bon, donc c'est du flouze. On est paré, paré, ego trip, carré pour les tarés, tarés du gros style. Cramé, jamais fané, fané des gros titres. Sagé, c'est du gros, c'est du lourd, c'est du bon, donc c'est du flouze. M, si t'es pas sur M, si je dis c'est viscère sous, c'est nos fans. On va faire zéro, zéro leurs fans, putain, vitrine et notre cam. Mes plans coupent notre gamme, des beaux bulles qui leur réclament. Et à quel prix votre rendez-vous, c'est la mort qui t'acclame. Ou quand t'es pris du chemin, tu retournes par la douane. T'as beau jouer les sourds et dire que la chance sourit aux audacieux. Une chose est vraiment sûre, ce jeu, tu finis souvent malchanceux. Écoute, l'enjeu d'argent crasse se termine souvent par la même chanson. La restation, incarcération, et tu comptes tes jours en détention. T'es en sursis, fais attention, faut résister aux tentations. Même au milieu d'une plantation, elle a l'air des dimensions. Génération d'Azefex, à la base à rap sec. Aussi précis, OM, c'est qu'une opération chirurgicale. Tu sais qui c'est ici, t'es ici pour une exécution vocale. On est paré, paré, ego trip, carré pour les tarés, tarés du gros style. Cramé, jamais fané, fané des gros titres. Sagé, c'est du gros, c'est du lourd, c'est du bon, donc c'est du flouze. On est paré, paré, ego trip, carré pour les tarés, tarés du gros style. Cramé, jamais fané, fané des gros titres. Sagé, c'est du gros, c'est du lourd, c'est du bon, donc c'est du flouze. La session est ouverte, je monte sur le ring. Xanax, Tiffen, ensuite le gong a retenti. Mon flow sur ce beat n'a rien de mélancolique. Ego trip, j'agis zigzag entre mon pet et mon beat. Les armatures par la belle mine clic. Un état d'esprit authentique, maturité garantie. Mon rap, une matière devenue maintenant plausible. Ma tête a des donateurs de l'iris explosif. 16 mesures posées, certifiées, approuvées, écoutées par un public qui ne cessera jamais de m'acclamer. Stopper le RAP, jamais. Je ne peux que l'aimer. Sorti de la couvée d'emblée, j'arrive pour vous ébranler. A chaque passage, laisse des traces, toi-même tu le sais. Acapella opposé, agent pété, charge à rage. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ma passion n'a pas d'identique. X, N, A, X déterminé à persister dans la cité. On est paré, paré, ego trip, carré pour les tarés, tarés du gros style. Cramé, jamais fané, fané des gros titres. Sagé, c'est du gros, c'est du lourd, c'est du bon, donc c'est du flouze. On est paré, paré, ego trip, carré pour les tarés, tarés du gros style. Cramé, jamais fané, fané des gros titres. Sagé, c'est du gros, c'est du lourd, c'est du bon, donc c'est du flouze.